Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Vous êtes fan de La Courte Échelle, et bien ça tombe bien, voici un nouveau numéro hors série qui va nous permettre de retrouver tous les souvenirs de La Courte Échelle, tous les titres que vous avez découverts dans les précédentes éditions. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants, votre émission hebdomadaire, et bien vous permet de retrouver avant tout les nouveautés de la scène indépendante. Les hors-séries vous permettent de retrouver les chansons que vous avez aimées dans les précédents numéros. Et nous avons souri avec Kat, la chanteuse Kat, et la conduite accompagnée, souvenez-vous. Voici le moment tant redouté de la conduite accompagnée. Je laisse à ma progéniture les clés de ma chère voiture. Et moi je m'assois à côté. La place du mort, c'est réputé. Et non, c'est pas le bruit d'un cardan, c'est simplement celui de mes dents. Mieux que le grand 8, plus fort que le saut à l'élastique. Pour risquer ta vie en vrai, y'a la conduite accompagnée. Bien accroché à la poignée, c'est pas un toc ce que fait mon pied. Y'a même pas une pédale de frein. De mon côté, qu'est-ce que ça craint? Je ne serais jamais monté si j'étais pas un peu bourré. Vous avez certainement des enfants. Soyez indulgent, monsieur l'agent. Mieux que le grand 8, plus fort que le saut à l'élastique. Pour risquer ta vie en vrai, y'a la conduite accompagnée. Tu as raison, ouais, ce piéton n'avait pas le droit de s'engager. Mais à lui verser une pension, si on le laissait traverser. Et n'écoute pas ton grand frère qui à l'arrière fait ses prières. Je vais rappeler à ce crétin l'exploit du parking souterrain. Mieux que le grand 8, plus fort que le saut à l'élastique. Pour risquer ta vie en vrai, y'a la conduite accompagnée. Voilà qu'arrive un 38 tonnes. À ma ceinture je me cramponne. Je crie, je pleure, j'ai la colique. Non là je gueule pas, je t'explique. Comment faire pour redémarrer? Car tu viens encore de caler en plein milieu de ce carrefour. Je veux pas finir sous un poids lourd. C'est mieux que le grand 8, plus fort que le saut à l'élastique. Pour risquer ta vie en vrai, y'a la conduite accompagnée. Y'a la conduite accompagnée. Il y a aussi les Racines Rock, c'était un album de Gimbo. Je t'en prie, retire de ma foi. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Hors série La Courte Échelle, avec tout de suite Cyril Capel et Touche pas ma planète. Tout poil de la pire espèce, du chaos des étoiles à l'enfer qu'il nous laisse. Planète bleue, poubelle bleue, planète verte, poubelle verte. Touchez pas la planète, touchez pas la terre, touchez pas. Touchez pas la planète, touchez pas la mer, touchez pas. Dealer de notre espace, en abus de faiblesse, à toi qui fais main basse sur le tiroir caisse. Planète bleue, poubelle bleue. Touchez pas la planète, touchez pas la terre, touchez pas la planète, touchez pas la mer, touchez pas. Nous mettez pas l'enfer dans notre paradis sur terre. Aux mains sales, à la hausse, à la baisse. Dis-moi ta part 100 balles en monnaie de ta pièce. Planète. Touchez pas la planète. C'est dans la première édition de La Courte Échelle, bien sûr, qu'on a découvert le groupe Dot Nemo, alors des musiciens sympathiques, pour des titres qui valent le détour, avec notamment Outer Space. Just right. anywhere but out, just anywhere but out. Dominique Domann habite Berlin, il dirige une petite société de production musicale. Son dernier titre en date, c'est d'ailleurs son dernier album en date, ça s'appelle Elle Nocturne, le voici pour vous. Minuit en Amazonie, des flocons de feu embrasent les cieux. Le grand chef crie, un démon rit, un sapin joue à sauter. Et les perroquets pâlissent, au ciel virevoltent les étoiles. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne palais s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les airs. Les hommes du poumon vert font un cercle de pierre, jettent leurs flèches dans la boue sèche, posent leurs javelots, s'asseyent sans un mot. Et les rivières frémissent, au ciel virevoltent les étoiles. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne palais s'est retournée, les ailes nocturnes déchirent les ailes. La tempête déchire, le fleuve en délire, la tribu délaisse son camp. Leur visage se tourne en arrière et ils voient les hommes du néant. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancien palais s'est retourné, des ailes nocturnes déchirent les ailes. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne palais s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. Je suis sûr que vous connaissez Eddie Diaz avec Solmat notamment. La courte échelle. Mes joies et mes peines, ma souffrance intérieure. Toi qui guides mes pas, toi qui vis au fond de moi. Je ne saurai jamais comment pouvoir survivre sans toi. Je ne saurai jamais comment pouvoir écrire sans émoi. My soulmate. Chris, tu ne dois pas vivre à travers moi. Il faut que tu saisisses ta chance et qu'on subsiste, toi comme moi. J'étais dans la peau, bébé. T'es pas normal, bébé. C'est comme si un jour t'étais rentré dans ma terre. C'est comme si un jour je devenais obsolète. Depuis que tu es là, t'as quelque chose en moi. Une force, une puissance, un je ne sais quoi. T'es ma soul, t'es ma soul, t'es ma soulmate. Hey, you only one for me. You're my soulmate. My soulmate. You're the only one of my life. My soulmate. My soulmate. Un temporel, moi éternel. Ma flamme intérieure ne brûle que pour toi. Tu me rends meilleur. Je renais dans tes bras. Tu es devenu celle qui guérit ma haine. J'oublie ma douleur pour la première fois. Rien ni personne. You're my soulmate, my soulmate. You're the only one of my life. You're my soulmate, my soulmate. You're the only one for me. You're my soulmate, you're my soulmate. You're my soulmate, you're my soulmate. You're my soulmate. C'était pour rigoler, bien sûr. El Magnifico, c'est un musicien de jazz. Il a pris ce pseudo avec Dombolo Baby régulièrement. Il s'amuse avec des tenues plus magnifiques les unes que les autres, on peut dire ça. En tout cas, plus rigolotes les unes que les autres, à faire des parodies. Le voici, El Magnifico, Dombolo Baby. Step back, give me some room. Oh my goodness. Never seen when she's moving it, checking it all night. I like to feel her body so tight. Dance the music till the early light. We don't need to sleep cause we feel alright. Let's spend the night checking our body. You and me alone will be so naughty. She's a dumbolo, dumbolo, baby. She's a dumbolo, dumbolo, sexy. She's a dumbolo, dumbolo, baby. She's a dumbolo, dumbolo, sexy. Oh. Why are you looking at me? Mais ma chérie, l'œil n'a pas de frein. My baby like dancing. The body thing no one ever seen. When she's moving it, shaking it all night. I like to feel her booty so tight. All the boys in the club wanna get back. Stop dreaming, fools, I lead the pack. Expression of my horizontal desire. Keep your hands out. I say, thumbs up, girls with a booty. Shake it up so the judges can see. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Come on, baby, give me what you know. Show me what you do with your dumbbell. Are you ready for this? courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes. Des talents comme celui du chanteur belge Ivan Avecki avec Ne dis rien. Ne dis rien, tous les trois vous êtes bien. Cette fleur, ce mot, et toi, toi. Chut, ne dis rien, il le fallait, j'ose enfin. Ma peur n'est pas loin, tu sais, tu le sais. Au bas de ces mots, ne cherche pas de signature, il n'y en a pas. Que ces lignes, c'est mon vœu, reste anonyme à tes yeux. À la fin, tu comprendras qui se cache derrière tout ça. Cette fleur, ce mot, et moi, moi. Chut, ne dis rien, pas trop vite, ça ne sert à rien. Lentement, je te laisse, tout le temps, prends ton temps. Ne dis rien, ton cœur encore trop loin, de peur en chagrin, il va, il vient. Que ces mots effacent tes tempêtes et bourrasques, que cette fleur mette un peu d'ordre dans ton cœur. Mais à la fin, tu sauras que quelqu'un pense à toi. Par ce mot, un rien trop tôt. D'ailleurs, est-il trop tôt? Chut, ne dis rien. Les nuages se sont enfouis, comme lui, avec lui. Surtout, ne dis rien. Pense à toi, pense à demain. Cette cage, tu l'oublies, de ton esprit, de ta vie. Que tu sois bien, ensuite que tu sois là. Qui sait, peut-être pas, mais peut-être demain. Et moi enfin libéré. Car tout est dit, tout est écrit. Tous les trois enfin réunis. Cette chanson, moi et toi. Je vous invite à découvrir l'univers des taxis parisiens grâce à Jérôme El Malek. Nos beaux reflets bleus chassent la nuit. Les enseignes s'éteignent sur Paris. Le soleil se lève sur l'obélisque. Et sur les Champs-Élysées brille son disque. Dans les vitrines des magasins s'efface mon refrain. Les âmes envahissent cette heure de tous les délices. Et l'étoile scintille par les gyrophares de police. Les corps engourdis par le plaisir se jettent dans les bouches de métro à peine entrouvertes. Dans les vitrines des magasins s'efface mon refrain. Bon Alexandre III, rêve mystérieux. Des chevaux ailés pour fendre les cieux. Au loin des armées invisibles, livre bataille au canon des invalides. Dans les vitrines des magasins s'efface mon refrain. l'échelle rivée entre terre et ciel. Du haut de Notre-Dame, les démons dans les airs scrutent les âmes ternies taillées dans la pierre. Dans les vitrines des magasins s'efface mon refrain. Les ombres sont pastels. La gare Saint-Lazare émerge de son sommeil. Rue de la Goutte d'Or, Moulin Rouge et rue Blanche. Derrière le maquillage se cache la souffrance. Olivier Loin était avec nous tout au début de La Courte Échelle, dans la première saison, dans les toutes premières émissions, avec notamment Robe Rouge. C'est un mirage, une image sans pareil. Elle m'éblouit, un peu comme le soleil. Je la regarde sans me faire à l'idée que c'est sa danse qui va me réveiller. Elle danse, lance, un peu dans tous les sens de ses grands yeux qui brille de mille feux. Sa robe rouge m'enivre de son jeu. J'essaye en vain de boire son innocence. Sa musique lui rentre dans la peau. Et du charme, d'une beauté que le regard réclame. Je suis le fer attiré par les mains et je m'étale dans mes rêves indécents. Sa musique lui rentre dans le sang, son sourire. C'est la réjouissance d'une invitation. J'entends la sirène de mes songes et mes rêves. Je tente une échappée, embrassant la marée. Je nage à contresens dans une lutte incessante, fuyant la magie. Combat sans merci. Sa musique me rentre dans le cœur. Elle me donne bien plus que du bonheur. Et c'est si fort, je ne peux plus m'en passer. Et je m'évade, je suis fou allié. Je suis fou allié. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ziz, vous l'avez découvert également par La Courte Échelle. Voici On peut rire de tout, c'est le titre éponyme de son album. Je suis la fille du music-hall. Je suis un garçon dans ta vie. Et tous les soirs, changer de rôle. c'est mon histoire autrement dit. J'en ai traversé des rivières, des océans pour être ici, me retrouver sous les lumières, avec l'accent de mon pays. Et des cigales à coccinelle, la bête à bon Dieu aujourd'hui a de l'amour au bout des ailes. Et de Marseille au paradis, appelez-moi comme vous voulez, de A à Z je vous le dis. Quand le spectacle est terminé, que je sois Ziz ou bien Thierry, je sais qu'on peut rire de tout, je sais que rien n'est important, que l'amour qu'on a partagé et que tout file avec le temps. Je sais qu'on peut rire de tout, avec des étoiles plein les yeux, du cabaret de chez Michou. Le chemin le plus merveilleux, c'est celui qui m'enchaîne à vous. Je suis un homme quoi de plus drôle que celle que je viens d'incarner, qui a posé sur mes épaules la mémoire de la fille du panier. J'en ai traversé des histoires, et si la vie m'a transformé, c'est pour avoir un jour l'espoir d'avoir la chance de vous aimer. On n'est personne d'autre que soi-même, et si la victoire a un prix, ce soir je veux vous dire je t'aime. C'est le plus beau salut Marie. Si la bonne mère me regarde, c'est Ziz qui vient lui dire merci. Et de Notre-Dame de la Garde jusqu'aux lumières de Paris, je sais qu'on peut rire de tout, je sais que rien n'est important, que l'amour qu'on a partagé et que tout file avec le temps. Je sais qu'on peut rire de tout, avec des étoiles plein les yeux, du cabaret de chez Michou, le chemin le plus merveilleux. Je sais qu'on peut rire de tout, je sais que rien n'est important, que l'amour qu'on a partagé et que tout file avec le temps. Je sais qu'on peut rire de tout, avec des étoiles plein les yeux, du cabaret de chez Michou, le chemin le plus merveilleux, c'est celui qui m'enchaîne à vous. Dans la première édition de La Courte Échelle, dans la première saison, vous découvriez également un autre artiste qui est un peu dans le registre de Ziz. Il s'appelle Eric Fanino, le voici avec La Bonne Humeur. Et j'ai bien vu que j'étais pas le seul. Je la tenais, je l'ai perdue, je m'en étais pas aperçu. Si elle passe près de toi, n'hésite pas, attrape-la. Dans un sourire, un regard, un petit câlin, ça fait du bien. Il faut garder sa bonne humeur, c'est ça le secret du bonheur. Il faut garder, garder, garder sa bonne humeur. Il faut garder sa bonne humeur, c'est ça le secret du bonheur. Il faut garder, garder, garder sa bonne humeur. Passe, viens dans ma fabrique, car j'ai préparé pour toi une petite potion magique. Tu verras un truc extra. Un peu de chance et de délices, de la gaieté, surtout de la joie, beaucoup de plaisir et de malice. Allez viens, éclate-toi. Il faut garder sa bonne humeur, c'est ça le secret du bonheur. Il faut garder, garder, garder sa bonne humeur. Il faut garder sa bonne humeur, c'est ça le secret du bonheur. Il faut garder, garder, garder sa bonne humeur. Allez, attrape ta voisine, vas-y, fais la valser. Sors de chez toi, bouge, respire, tu te sentiras plus léger. Regarde le soleil, tu le sens sur ta peau. Regarde, regarde ces merveilles, vois comme le monde est beau. Il faut garder sa bonne humeur, c'est ça le secret du bonheur. Il faut garder, garder, garder sa bonne humeur. Il faut garder sa bonne humeur, c'est ça le secret du bonheur. Il faut garder, garder, garder sa bonne humeur. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Comme par exemple ici et lui avec le café. Avez-vous le temps? Avez-vous le temps? Avez-vous le temps pour un petit café? Le temps c'est la vie. Le temps c'est l'amour. Le temps c'est la vie, le temps c'est l'amour. Ça me donne envie, tu m'as dit toujours. Juste un peu d'argent pour un petit café. Hey. Avez-vous le temps? Avez-vous le temps pour un petit café? Le temps c'est la vie. Le temps c'est l'amour. Le temps c'est la vie. Le temps c'est l'amour. Ça me donne envie. Tu m'as dit toujours. Juste un peu d'argent pour un petit café. Un petit café. Avez-vous le temps pour un petit café? Le temps c'est la vie. Le temps c'est l'amour. Le temps c'est la vie. Le temps c'est l'amour. Ça me donne envie. Tu m'as dit toujours. Juste un peu d'argent pour un petit café. Avez-vous le temps pour un petit café? Le ciel clair obscur, ça papillonne dans mon ventre. J'avance d'un pas sûr, c'est à toi que je pense. Tu plantes dans mes yeux, pas d'évaporation. Métamorphose à deux chenilles à papillons. Éventail qui rafraîchit et ventile mon envol. Vaporise ton nectar en aérosol. Bouffée d'air frais, prends de l'altitude. Éolienne qu'il me fallait, certitude. Ça papillonne quand t'es là, ballon dirigeable. Ça papillonne quand t'es là, l'air est agréable. Ça papillonne quand t'es là, grande respiration. Ça papillonne quand t'es là, cœur en aération. Dans l'estomac, ça papillonne quand t'es là. Ouais, dans l'estomac, ça papillonne quand t'es là. Ça papillonne quand t'es là. Sur

serré dans nos bras, c'était interdit. Ce jour de printemps de l'an 2020, ce jour de printemps, moi, je me souviens. Personne savait si le français moyen serait délivré en mai ou en juin. On est ressorti d'abord tout inquiet. La vie a repris dans tous les marchés. On s'est regardé comme des naufragés. Les masques tombés, on s'est embrassés. Tout a reconstruit, par où commencer? Tout a reconstruit, par où commencer? Ce jour de printemps de l'an 2020, ce jour de printemps, moi, je me souviens. Quand on sera trop vieux pour se rappeler comment ce printemps nous a tous glacés, quand l'humanité a vu son destin se réduire d'emblée en peau de chagrin. Avant que la vie calme ces mots-là, j'en ai fait des vers, garde-les en toi. Il y a des leçons qu'on devrait tirer, il y aura des cons pour les oublier. Il y a des leçons qu'on devrait tirer, il y aura des cons pour les oublier. Ce jour de printemps de l'an 2020, ce jour de printemps, moi, je me souviens. Ce jour de printemps de l'an 2020, mes deux canaries. François Anto, on s'en souvient, ce jour de printemps de l'an 2020, il nous retrace un petit peu ce qu'on a vécu ces derniers mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la courte échelle, pour ce numéro hors série. On se retrouve à la radio, bien sûr, pour la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants, très bientôt. On se retrouve également en podcast, ici, pour la suite, avec la courte échelle hors série. Tous les renseignements concernant la courte échelle sont sur le site lesémissionsdejeff.e-monsite.com. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube de la courte échelle. Soyez heureux, à très bientôt. Instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.